à l'écoute de Ça bouge dans les sous-bois, une émission de radio libre des Amis de la Terre de Liège. Radio Ça bouge dans les sous-bois, un souffle d'air pur dans notre vie de Liège. Nous émettons tous les samedis de 13h30 à 15h sur 104 MHz en fréquence modulée. Ça bouge dans les sous-bois. Et vous venez d'entendre Béranger, participe présent. Maintenant, je veux cette fille, Igelin. Je veux cette fille. Signalons que l'écologiste, le mensuel des Amis de la Terre du mois d'avril, est sorti. Il est en vente dans toutes les librairies de Liège-Ville. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a au sommaire ce mois-ci ? D'abord, l'éditorial des emplois pour quoi faire, pardon. C'est une analyse critique de la politique qui est menée habituellement en matière d'emploi. Il y a également une enquête sur Glaverbel, une volonté de reconversion écologique. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et puis il y a un dossier sur Bruxelles. C'est une analyse des problèmes écologiques et des solutions qu'on pourrait apporter à la vie dans les grandes villes. Puis la rubrique légumes de saison avec les recettes et le jardinage biologique. Ensuite, un gros dossier sur Harrisburg un an après. Nous allons également en reparler tout à l'heure. Également un interview, la terre peut-elle nous nourrir tous, sur la faim dans le monde et les aides alimentaires. Alors en matière d'énergie, à qui profitent les hausses du pétrole et puis la chronique solaire. Isolation, les isolants ne sont pas inoffensifs avec la comparaison des différents types d'isolants. En effet, on a constaté certains dangers au niveau des isolants de synthèse. Question société maintenant, les écoles rurales doivent vivre avec également une rencontre de l'association pour la promotion des écoles rurales. Alors la rubrique animaux de chez nous, plaidoyer pour les nuisibles, courrier, etc. La rubrique livres, isolation thermique, éthologie et psychiatrie, la prophétie antinucléaire de Touraine. Et puis la rubrique sur les terrains, sur le terrain et les petites annonces. Vous venez d'entendre Jacques Marchais, C'est le temps, un morceau qui est sorti sur un disque Ecologia, un disque collectif qui est paru chez Escargot. Et maintenant, Théo va nous parler d'un article paru dans l'Écologiste, le dossier sur Harrisburg. Un an après l'accident survenu à la centrale nucléaire de Three Mile Island, l'Écologiste a décidé d'y consacrer un dossier. Dans celui-ci, vous pourrez y trouver quelques mots sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire PWR, centrale du même type que celle installée en Belgique. Ensuite, un historique reprenant jour après jour l'évolution de l'accident. Dans ce dossier, vous trouverez également le rapport de la commission présidentielle des États-Unis concernant l'épisode critique de la bulle d'hydrogène. Pendant cette période, on se souviendra du profond désarroi affiché par les experts officiels. Effectivement, c'est pendant cette période que nous avons frôlé l'accident majeur, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire une véritable catastrophe. 1 million de personnes à évacuer. J'ai bien dit 1 million de personnes à évacuer, perdant emploi, maison, etc. Sans compter, bien sûr, les quelques milliers de personnes décédées, les personnes se trouvant principalement au voisinage de la centrale. Une partie du dossier a été consacrée aux conséquences écologiques de l'accident. N'oublions pas les très grandes quantités d'eau radioactive déversées dans les auxiliaires de l'installation nucléaire. Ces eaux ont produit un très grand nombre de gaz radioactifs rejetés dans l'environnement. Le dossier reprend également les doses de radioactivité reçues par le personnel pendant la période critique. N'oublions pas également les doses de radioactivité importantes que devront recevoir les travailleurs chargés de la réparation des installations. En effet, il faudra plusieurs années pour pouvoir remettre la centrale en marche. Le dossier reprend également une série de conséquences pour les populations avoisinantes. Il s'agit ici, bien entendu, des véritables conséquences. En fait, dossier, vous trouverez les leçons à tirer de l'accident. Et oui, il y a bien sûr toute une série de leçons à tirer de cet accident. La principale étant la non-crédibilité des autorités officielles. Effectivement, avant cet accident, tous les experts disaient qu'un tel accident était impossible. Bien entendu, les faits ont prouvé le contraire. Pour plus de détails sur ce dossier, je vous suggère d'acheter l'écologiste du mois d'avril. Il se trouve dans la plupart des librairies liégeoises. Vous allez entendre Jimi Hendrix, Star Spangled Banner, extrait du disque de Woodstock. C'est l'hymne américain qui se transforme en bombardement sur le Vietnam. Nous vous rappelons que vous êtes à l'écoute de Ça bouge dans les sous-bois, la radio libre des Amis de la Terre, et que nous émettons tous les samedis de 1h30 à 3h sur 104 MHz en fréquence modulée. Dans le numéro de l'écologiste du mois d'avril, il y a également un article pour la protection des petits carnivores sauvages. Ça s'intitule « Plaidoyer pour les nuisibles ». On s'imagine souvent que les renards, les putois ou les fouines se nourrissent principalement de lapins, de poules et de lièvres. Les principaux adversaires de ces carnivores sont les chasseurs qui s'imaginent que ces nuisibles sont responsables de la diminution du gibier. Or, il n'en est rien. En effet, ces petits carnivores, bien adaptés à la chasse aux petits rongeurs et partisans convaincus de la loi du moindre effort, préfèrent en général chasser les souris, faciles à prendre, plutôt que quelques gros animaux dont la capture exigerait de leur part une énorme dépense d'énergie pour un résultat peu sûr. Ils ne s'attaquent qu'aux gibiers blessés ou malades et contribuent ainsi à améliorer la bonne santé génétique des espèces. Donc, non seulement ces prétendus nuisibles ne sont pas responsables de la diminution du gibier, mais ils sont même les meilleurs auxiliaires des agriculteurs, plus efficaces encore que les rapaces, parce qu'ils se nourrissent beaucoup de souris et de campagnols. Il y a peu, la chasse aux carnivores était ouverte toute l'année et pouvait être pratiquée par tous les moyens, pièges, appâts empoisonnés, fusils, etc. Apparemment, la situation légale s'est améliorée, puisque la chasse n'est plus ouverte pour la loutre, le blaireau, le chat sauvage, la martre et la fouine, et également pour le renard et l'hermine dans les provinces d'Anvers et des Deux-Flandres. Mais malheureusement, le ministère de l'Agriculture croit pouvoir lutter contre la rage en ordonnant la destruction des carnassiers sauvages dans les régions qu'il détermine, et il peut également requérir cette destruction à l'aide de substances toxiques. Mais il y a également un article sur la rage, et pour en savoir plus, lisez l'écologiste. Et bien sûr, vous avez reconnu Dick and Garn, l'instituteuritrice. Attention, Martial, je passe le micro. Oui, merci Christine. Continuons de parcourir l'écologiste de ce mois. Il y a par exemple une enquête très intéressante ce mois-ci, Glaverbel, une volonté de reconversion écologique. Il s'agit d'un reportage sur la lutte exemplaire de 350 travailleurs du Vert de Gilly et de Splintex dans la région de Charleroi. Ces travailleurs se battent depuis 1975 déjà. D'abord contre la fermeture de leurs usines, puis pour imposer la reconversion du secteur verrier, permettant leur réembauche et également la création de milliers d'emplois. Ce qu'ils cherchent à obtenir pour l'instant, c'est la création d'une société publique d'isolation-rénovation. Depuis fin 79, ils ont déposé une proposition de loi dans ce sens. Celle-ci vise à conférer à une société publique qui emploierait les anciens verriers de Glaverbel le soin d'isoler et de rénover 100 000 logements par an. D'ailleurs, en premier lieu, des habitations sociales. Ce programme, qui serait étalé sur 10 ans, donnerait de l'emploi à 6 000 ouvriers et employés s'il était étendu à l'entièreté du pays. Si on prend en compte la rénovation et l'isolation thermique des bâtiments publics, écoles, gares, casernes, etc., 2000 emplois supplémentaires seraient garantis. Mais ce n'est pas tout. Un tel programme aurait bien d'autres avantages. Ainsi, l'écologiste présente les données d'une étude de l'Office de promotion industrielle sur l'incidence du programme sur le budget de l'État. Conclusion, si l'État investissait 1,7 à 2 milliards, principalement sous forme d'incitants financiers à l'isolation, il récupérerait 5,55 milliards à 6 milliards passé sous forme d'allocation de chômage non versée, TVA sur les travaux, contributions et cotisations sociales qu'il percevrait, soit un solde positif de 3,5 milliards à 4,5 milliards de francs. On apprend aussi que sur le plan énergétique, un tel projet permettrait de récupérer une capacité d'énergie égale à la capacité de production de Tihange 3 et Doule 4. Cette affirmation, qui démontre formellement l'inutilité des centrales nucléaires, est tirée d'un rapport du Conseil central de l'économie, qui est un organisme officiel. On pourrait penser que cette proposition de loi, intéressante donc sur tous les plans, a été accueillie avec enthousiasme par le gouvernement. Eh bien non, le gouvernement ne l'a pas prise à son compte, ce qui signifie que, sauf pression populaire que les travailleurs, que les verriers de Charleroi cherchent à développer pour l'instant, elle restera longtemps encore dans les limbes du Parlement. Pendant que, par contre, des subsides pour rationalisation, c'est-à-dire souvent pour supprimer des emplois, continuent à être accordés à Glaverbel. Par exemple, il y a, je regarde le chiffre, 456 millions qui ont été accordés dernièrement par le secrétaire d'État Mestat. La question que pose l'écologiste paraît donc fondamentale. Le pouvoir est-il disposé à permettre à des travailleurs décidés de créer une entreprise socialement, économiquement et énergétiquement utile ? À moins que le pouvoir ne préfère, tout en accordant des subsides à fond perdu aux entreprises privées, refuser aux chômeurs de prendre leur destin en main. Demandez Révolumania. C'était Maurice Bénin, la sollicitation. L'alternative de Béranger. Oh, c'est pas mal, hein. Et à propos d'alternatives, vous êtes pour l'instant à l'écoute de la radio des Amis de la Terre de Liège, Radio Ça Bouge dans les Sous-Bois. Nous émettons tous les samedis de 13h30 à 15h sur FM 104 MHz. J'aimerais aussi vous rappeler la fête des Amis de la Terre de Liège qui se déroulera le 3 mai à la salle de la chapelle, place Saint-Denis. Il y aura plein de choses. D'abord une balade en vélo en début d'après-midi, puis des stands d'information et des animations à la salle de la chapelle. Et le soir, récital de chanteurs et de groupes, et puis une soirée dansante.